Le vestibule. I'm still your memory. Le vestibule s'ouvrait à vous en ce samedi 18 septembre 2004 avec la pièce Memory Shell Lost Radio Edit qui se retrouve sur le tout dernier album de la formation française AS Dana, à ne pas confondre avec une formation qui donne dans la musique un peu plus métallisée. Ici, il s'agit bien du duo français qui est composé de Vincent Villouis, qui est un ex-membre de la formation Asura, et également AS Dana est formé de Sunbeam, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de DJ Butterfly. Et donc, il nous offre un tout nouvel album. L'album a pour titre justement Memory Shell, et cet album fait son entrée cette semaine en toute première position au palmarès de musique électronique. Et l'album de AS Dana est paru sur étiquette Ultimae Records. Jean-François Fecteau qui vous accueille à l'intérieur du vestibule pour une 371e fois. J'espère que vous saurez au cours des prochaines heures apprécier votre séjour à l'intérieur du vestibule. Et justement, pour amorcer de façon définitive ce séjour, nous allons entendre un artiste polonais qui donne dans la musique, enfin, je ne vous décris pas tout à fait la musique puisque je vous laisse la surprise. L'artiste porte le nom de Jerzy Million. Il est polonais et nous offre ici sa composition Zrop Pampasov dans le vestibule. Duo britannique Sing Sing vient de nous interpréter la pièce Panda Eyes et ça se retrouve sur leur tout premier album qui s'intitule The Joy of Sing Sing. Et cette formation, ce duo féminin, eh bien, est composé de Lisa O'Neill et de Emma Anderson, que vous connaissez peut-être, puisque c'est celle-là même qui faisait partie à l'époque de la formation Lush, un autre duo, enfin, il était un quatuor, mais disons que les membres principaux étaient deux demoiselles. Alors, mademoiselle Emma Anderson a fondé Sing Sing en 1997, mais nous avons dû attendre jusqu'en 2001 pour voir l'apparition de leur premier album, donc The Joy of Sing Sing, qui est paru en Angleterre tout d'abord, et ensuite l'année suivante, soit en 2002, l'album a été finalement disponible ici en Amérique du Nord via l'étiquette Manifesto. Ce qui précédait Sing Sing, c'était la formation française Collapse avec la pièce Conflicts, et ça se retrouve sur l'album Humans. Et pour débuter, on entendait l'artiste polonais Jerzy Million et la pièce Srop Pampasov, que l'on peut retrouver entre autres sur la compilation Playlist, compilation de l'étiquette de Jazzanova, l'étiquette JCR. Et également, vous pouvez retrouver cette pièce sur une autre compilation de l'étiquette JCR. JCR, soit dit en passant, veut dire Jazzanova Compost Records. Et donc, le titre de cette deuxième compilation sur laquelle on retrouve la pièce de Jerzy Million que nous avons entendue en début de segment, eh bien, on la retrouve donc sur la compilation Polish Jazz. Et ces deux compilations, je vous le rappelle, sont parues sur étiquette JCR. Pour poursuivre, je vous mentionne que si vous désirez communiquer avec moi pour peu importe la raison, si vous désirez avoir des éclaircissements sur ce que je vous présente à chaque semaine dans le vestibule, si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des suggestions, eh bien, je vous invite fortement à m'écrire via mon adresse électronique, soit l'adresse levestibule@yahoo.com. levestibule@yahoo.com. Il y a également le site internet de la station situé au www.cfou.ca, sur lequel vous y trouverez des renseignements fort utiles si vous êtes intéressé à la programmation de CFOU, bien sûr. Et donc, sur ce site, vous pourrez également vous faire entendre en vous rendant dans la section forum de discussion, et tout particulièrement dans la section musique électronique, où vous y attend une rubrique qui porte le titre de pièces marquantes. Et dans cette rubrique, eh bien, vous avez l'opportunité de me faire part à chaque semaine des pièces que vous avez tout particulièrement appréciées. Ceci étant dit, nous allons entendre une demande spéciale qui nous provient directement du Japon, puisque M. Kenji Rikitake, fidèle auditeur via Internet, eh bien, m'a demandé de lui faire jouer une pièce du célèbre groupe allemand Kraftwerk. Et donc, je vous ferai donc entendre à vous tous et à vous, cher M. Rikitake, la pièce Metal on Metal de l'album Trans Europe Express, paru en 1977. Voici donc Kraftwerk en demande spéciale dans le vestibule. Sa programmation d'automne 2004, jeudi le 23 septembre à la Chasse-Galerie, dans le cadre de son 4 à 7. Animation, prix de présence et prestations live avec les frères Goyette, Don Alias, The Devil Hot Rod et un paquet d'autres artistes surprises. Venez faire le party avec Sifu, jeudi le 23 septembre à la Chasse-Galerie, dans le cadre d'un 4 à 7 spécial lancement de programmation. Votre coopérative universitaire vient d'emménager dans des locaux fraîchement rénovés afin de vous offrir un service de qualité toujours supérieur. Pour de la papeterie, de l'informatique, des idées cadeaux, des romans et pour la plus grande gamme de livres spécialisés au meilleur prix qui soit, un seul endroit à retenir, Coopérative universitaire de Trois-Rivières, pavillon Albert-Tessier à l'UQTR. Informez-vous de nos promotions de la rentrée en magasin et au www.cooputr.qc.ca. Situé à deux pas du centre Les Rivières, Sipan Pizza est le seul restaurant à Trois-Rivières à vous offrir 2 pour 1 sur la pizza et les sous-marins en tout temps. Sipan Pizza, c'est également un service de livraison rapide et gratuite. Un seul bon numéro, 371-1371, 371-1371. Sipan Pizza, 4845, Boulevard des Forges. JCFO, c'est un atelier de réparation à la fine pointe avec une équipe de techniciens performants qui sauront répondre à vos besoins. JCFO, c'est également des produits informatiques au meilleur prix dans la région. Visitez-nous à jcinfo.qc.ca. Thank you. We'll be right back. On vient d'entendre la formation britannique Mama Gravy avec la pièce A Bisto, tirée de l'album Adios, qui est paru sur étiquette A Different Drummer. Et cet album de Mama Gravy, eh bien, fait son entrée cette semaine en quatrième position au palmarès, de musique électronique. Tout juste avant, on avait droit à la formation Omega Hertz et la pièce Love Me For A Last Time. On retrouve cette pièce sur la compilation Good Mood de l'étiquette Unicorn Music. Et sur cette compilation Good Mood, eh bien, on ne retrouve que des projets grecs qui donnent dans la musique trans, techno-trans. Et pour débuter, en demande spéciale, on avait droit à la formation allemande Kraftwerk et la pièce Metal on Metal, qui est parue sur leur album de 1977, l'album Trans Europe Express. Pour poursuivre dans le vestibule, eh bien, je vous offre à entendre la formation Interstate et la pièce I Found You. Et on retrouve cette pièce, entre autres, sur le dernier album de Paul Oakenfold. Et l'album a pour titre Cream Fields. Et c'est un album double, un album, disons, de mix, c'est-à-dire que chacune des pièces est mixée une à la suite des autres. Et ce que nous présente Monsieur Paul Oakenfold, eh bien, c'est une musique électro j'ai de la difficulté à la décrire. C'est une musique qui n'est pas nécessairement populaire au terme péjoratif, mais disons que la musique est un peu plus accessible, mais il y a un petit côté qui fait que ce n'est pas mauvais du tout, donc assez intéressant. Mais pour ceux qui aiment avoir des choses un peu plus underground, un peu plus recherchées, un peu plus, disons, alternatif, ce n'est peut-être pas votre tasse de thé, mais du moins c'est intéressant pour quelqu'un qui aime la musique point à la ligne. Alors, cet album double de Paul Oakenfold, Cream Fields, eh bien, fait son entrée cette semaine en 10e position au palmarès de musique électronique. Et de cet album, voici donc la formation Interstate et la pièce I Found You. I'm not afraid to Quel bonheur d'être de retour vers la route des études. Oui, je m'adresse à toi, jeune étudiant perplexe de ne pas pouvoir lâcher ton fou durant tes cours. Eh bien, ce temps est révolu. Viens faire de l'impro, La LUIG de l'UQTR t'attend à son camp de recrutement les 15 et 22 septembre 2004, dès 19h30 au 10-12 Néré-Beauchemin. Toute personne est acceptée. 15 et 22 septembre, 19h30, 10-12 Néré-Beauchemin. I want to take control. Maniaque de House, House Mania. Mercredi 22h à CFOU 89.1 FM. Take control. Take control. Take control. Moi, les affaires de couleur sur le net, ça m'agace. Quand ça bouge partout pis qu'il y a des deltaplanes, ça m'écœure. J'aime ça simple, j'aime ça simple, j'aime ça le site de CFOU FM. C'est beau, il y a du contenu, il y a des palmarès, il y a des nouvelles, puis un concours. Qu'est-ce que tu veux de plus? CFOIFM.com. C'est Faux en ligne, une collaboration d'Infotech Internet. JC Info, c'est un atelier de réparation à la fine pointe avec une équipe de techniciens performants qui sauront répondre à vos besoins. JC Info, c'est également des produits informatiques au meilleur prix dans la région. Visitez-nous au www.jcinfo.qc.ca. domaine vestibulaire était cette fois habité par la musique de la formation allemande Dasich et la pièce Schwarzer Stern, qui veut dire étoile noire. Et on retrouve cette pièce sur l'album Lava, qui occupe la 8e position au palmarès de musique électronique. Ce qui précédait Dasich, c'était Vertonen, la pièce Four Chambers Plus Their Various Fluids. C'était en fait un extrait de cette longue pièce. Et on la retrouve, cette pièce, sur l'album The Ocean Is Gone, The Ship Is Next. Et c'est paru sur étiquette Ground Fault Recordings. Et on débutait avec Interstate et leur pièce I Found You. Et cette pièce, on la retrouve entre autres sur la double compilation qu'a concocté Paul Oakenfold, son album donc double Creamfields. Cet album de Paul Oakenfold, eh bien, fait son entrée cette semaine en 10e position au palmarès de musique électronique. Jean-François Fecteau, votre portier de service pour encore quelques heures. Maintenant, nous allons entendre un classique de la musique, disons, alternative, ou peut-être on pourrait l'appeler New Wave, on pourrait l'appeler à la limite gothique. Il s'agit de Love Will Tear Us Apart de Joy Division, mais ici nous allons entendre la version qu'en a fait la formation Nouvelle Vague dans le vestibule. Feeling road drive. Ce qui vient de clore la séquence musicale dans le vestibule, c'est le projet Portland, et la composition avait pour titre Tactics of, et ça se retrouve cette pièce sur l'album My Daily Routine, qui occupe cette semaine la 6e position au palmarès de musique électronique. Et ce soi-disant palmarès, eh bien, vous pouvez le retrouver sur le site de CFOU en vous rendant tout simplement au www.cfou.ca et vous pourrez y consulter le palmarès de musique électronique, mais aussi tous les autres palmarès de la station. Ce qui précédait Portland, eh bien, c'était la formation américaine Control qui nous présentait la chanson Escapist de leur tout dernier album Lose the Image. Et pour débuter, vous avez sans doute reconnu la pièce Love Will Tear Us Apart, bien sûr composée et interprétée à l'origine par la formation britannique défunte Joy Division, qui est devenu par la suite New Order. Donc, la pièce de Joy Division ici, qui était reprise par la formation Nouvelle Vague. Et la pièce est tirée de l'album éponyme de la formation. Donc, l'album porte le titre de Nouvelle Vague. Dans le vestibule, émission de musique électronique, une émission qui ose, qui espère vous faire découvrir ou peut-être réentendre des pièces, surtout à caractère électronique, des pièces qui proviennent du large spectrum qu'est la musique électronique, et peut-être que je vais vous faire découvrir une nouvelle pièce, ou peut-être que vous réentendrez une pièce de Orbital si vous êtes procuré leur tout dernier album, dans le sens littéraire du terme, puisque l'album Blue Album de Orbital, qui est paru tout récemment, est vraisemblablement leur tout dernier. Et donc, Paul Hartnell et Phil Hartnell, eh bien, ont décidé de mettre un terme à leur association au sein de la formation Orbital. Et tiré de l'album Blue Album, nous allons donc entendre leur composition You Lot, dans le vestibule Orbital. We'll be right back. hearts. There's a new master of creation, and it's you. You've unraveled DNA. And at the same time, you're cultivating bacteria strong enough to kill every living thing. Do you think you're ready for that much power? You lot? You lot? Cheeky bastards. You're running around science like kids with guns, creating a new world while the world you've got is stinking. Come on, hands up. Hands up anyone who thinks you've got it right. Yeah, there's always one. I can see you. If you want the position of God, then take the responsibility. À deux pas du centre Les Rivières, Sipan Pizza est le seul restaurant à Trois-Rivières à vous offrir 2 pour 1 sur la pizza et les sous-marins en tout temps. Sipan Pizza, c'est également un service de livraison rapide et gratuite. Un seul bon numéro, 371-1371, 371-1371. Sipan Pizza, 4845, Boulevard des Forges. Après Énergie.

vient tout juste d'entendre dans le vestibule la collaboration entre John Medeski, Billy Martin et Chris Wood, c'est-à-dire John Medeski comme claviériste, Billy Martin comme batteur et Chris Wood comme bassiste. Et ensemble, ils se font tout simplement appeler Medeski, Martin and Wood. Et on entendait leur composition Reflector de leur tout récent album, l'album End of the World Party, Just in Case. Et cet album de Medeski, Martin and Wood fait son entrée en 7e position au palmarès de musique électronique. Et fait à noter que cet album est paru sur l'étiquette Blue Note, étiquette de jazz fort célèbre. Et sachez que Medeski, Martin and Wood, eh bien, en disque ensemble depuis 1992. Ce qui précédait ce trio, eh bien, c'était Nackzerer, formation allemande, et la pièce Ansem, tirée de leur album Teen Taken from Tent by Aliens. Et c'est paru sur l'étiquette Nanopop, étiquette allemande. Et pour débuter, le duo britannique Orbital nous interprétait You Lot. Et la pièce, donc cette pièce tirée de l'album The Blue Album, qui occupe cette semaine la 3e position au palmarès de musique électronique. Ce qui va suivre dans le vestibule, eh bien, c'est la formation Entluften. Et une pièce qui n'est pas sans rappeler, disons, l'univers musical de Nine Inch Nails. Donc, voici la pièce Broken Mold par Entluften dans le vestibule. We'll be right back. Le segment musical se terminait cette fois avec l'artiste montréalais Akido et sa composition portait le titre de La mémoire de l'onde et on peut retrouver cette pièce sur le mini-album Playtime et pour en savoir davantage tout simplement le www.akido.biz www.akido.biz. Ce qui précédait Akido, eh bien, c'était l'artiste Samuel Pellman. Et la pièce portait le titre de Messenger Mercury. Cette pièce, on la retrouve sur l'album Selected Planets. Et c'est paru sur l'étiquette Innova. Et pour débuter, on avait droit à la musique de Ant Luften. Et la pièce Broken Mold. Cette pièce, on la retrouve sur la compilation D'Electronic Volume 3. C'est en fait une compilation qui regroupe des artistes de la scène de la musique électronique de la ville de Détroit. Donc, ils se sont baptisés leur organisation sous le nom de Detroit Electronica Coalition. Et pour en savoir davantage, tout simplement, le www.detroitelectronica.com. Le www.detroitelectronica.com. Jean-François Fecteau qui vous accompagne toujours et encore à l'intérieur du vestibule. Pour me joindre, vous pouvez soit m'écrire à mon adresse électronique levestibule@yahoo.com. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la station au www.cfou.ca dans la section forum de discussion pour y laisser vos messages et tout particulièrement dans la section musique électronique où il y a une rubrique pièces marquantes où vous pouvez me faire part des pièces que vous avez tout particulièrement appréciées au cours de l'émission. Et à chaque semaine, donc, vous pouvez me faire un compte-rendu des pièces, de vos pièces préférées. Et vous pouvez également, pour me joindre, composer le 376-5183, le 376-5183. Ceci étant dit, nous allons maintenant entendre la formation Trio Electrico qui nous interprète Hippopo's Restroom dans le vestibule. fond. L'émission de trip-hop, de down-tempo et de hip-hop indépendant de C'est Fou. Présenté par Maxime Robin, alias DNT et DJ One Chuck, tous les dimanches de 21h à 23h. On fait du trip-hop de rue! Situé à deux pas du centre Les Rivières, Sipan Pizza est le seul restaurant à Trois-Rivières à vous offrir 2 pour 1 sur la pizza et les sous-marins en tout temps. Sipan Pizza, c'est également un service de livraison rapide et gratuite. Un seul bon numéro, 371-1371, 371-1371. Sipan Pizza, 4845, Boulevard des Forges. Le retour en classe nous rappelle malheureusement que les belles journées d'été sont loin derrière. Chez Canadian Tire, nous avons tout ce qu'il faut pour rendre ce retour à la réalité le plus simple possible. Commencez l'automne du bon pied en effectuant l'entretien saisonnier de votre véhicule à notre centre auto. Profitez du même coût d'un service attentionné et de garanties avantageusement honorées partout au pays. Besoin d'effets scolaires, d'accessoires pour l'appartement? Pas de problème. Vous trouverez de tout, plus encore, à votre magasin Canadian Tire de Trois-Rivières. 89.1 FM, c'est fou ça! Thank you. j'entendais dans le vestibule l'artiste polonaise Barbara Zielinska-Van et sa composition s'intitulait Tibet Bells et ça se retrouve sur un mini-album qui a été fait pour le festival Synthèse. Tout juste avant Barbara Zielinska-Van, bien c'était le duo américain Test Tube et leur composition Atomic tirée de leur plus récent album Corporation qui est paru sur étiquette DSBP. Pour en savoir davantage, le www.dsbp.cx ou également le www.testtube.com, soit le www.testube.com. Et pour débuter, on entendait la formation Trio Elettrico et leur composition Hippopose Restroom. Et cette pièce, la composition que l'on entendait, est tirée de l'album Echo Parcours. C'est paru sur étiquette Stéréo Deluxe. Pour poursuivre dans le vestibule, je vous offre à entendre une formation qui est belge, si ma mémoire est bonne. Corrigez-moi si je me trompe. Il s'agit de Stin Skadzer dans le vestibule. Feel the pain, adrenaline, industrial pressure. Feel the pain. On entendait dans le vestibule la musique de Mike Post, qui est en fait un compositeur de musique d'émissions pour la télévision, d'émissions télévisuelles. Et ce que l'on entendait, c'était donc Team from Rockford Files. Et on retrouve cette pièce sur un CD, sur une compilation Radio Mix compilé par Solid Doctor. Et là-dessus, on retrouve des choses quelque peu éclectiques, comme par exemple Antipop Consortium et également Eric Burden. Donc, des choses assez éclectiques, assez intéressantes de ce Radio Mix de Solid Doctor. Et c'est paru sur étiquette Fabric London. Et pour en savoir davantage, le www.fabriclondon.com. Ce qui précédait Mike Post, eh bien, c'était le projet Mode Selector, projet berlinois, et la pièce Mode Selector's Rave Anthem, que l'on peut retrouver, entre autres, sur l'album Mix, My Parade DJ Mix, compilé par Ellen Alien. Et cette compilation Mix, eh bien, on la retrouve en 9e position cette semaine au palmarès de musique électronique. Et cette compilation compilée, pour ne pas être redondant, par Ellen Alien, est parue sur étiquette allemande B-Pitch Control. Et pour débuter, on entendait Stinskadzer et sa composition Industrogression, que l'on retrouve, entre autres, sur la double compilation Xenophobic Interbreeding Tree, qui est parue sur étiquette BLC Productions. Pour poursuivre dans le vestibule, je vous offre maintenant à entendre la formation californienne Hungry Lucy, qui nous interprète In the Circle, remixé ici par le projet Q, K-E-W. Voici donc Hungry Lucy dans le vestibule. Each other's open arms, sparkling in my circle, there's fire in our eyes.

just like everyone else, it's a basic need. Thank you. coopérative universitaire vient d'emménager dans des locaux fraîchement rénovés afin de vous offrir un service de qualité toujours supérieur. Pour de la papeterie, de l'informatique, des idées cadeaux, des romans et pour la plus grande gamme de livres spécialisés au meilleur prix qui soit, un seul endroit à retenir, coopérative universitaire de Trois-Rivières, pavillon Albert-Tessier à l'UQTR. Informez-vous de nos promotions de la rentrée en magasin et au www.cooputr.qc.ca. Tu connais le service de l'imprimerie de l'UQTR? C'est bien sûr l'endroit où te procurer tes notes de cours, mais c'est aussi beaucoup plus. Avec ses nouveaux équipements de haute technologie, ton service de l'imprimerie est maintenant en mesure d'imprimer tes travaux enregistrés sur support informatique ou encore de relier tes travaux de session. Nous pouvons même imprimer les journaux et les bottins des associations étudiantes. Viens nous voir. Nous sommes là pour toi du lundi au vendredi au pavillon Albert-Tessier face à la Coopsco. Consulte notre site web via le site de l'UQTR, /imprimerie, pour connaître nos heures d'ouverture. C'est fou, 89.1. Ce qui précédait la pause publicitaire dans le vestibule, eh bien, c'était le duo belge Arsenal qui nous présentait la pièce Dina. Et sur cette pièce, on pouvait y entendre la chanteuse Ruth Da Costa. Et la pièce Dina est parue sur l'album de Arsenal, l'album Oyebo Soul. Et c'est paru sur étiquette Crystal Entertainment. Et la musique de Arsenal pourrait être tout simplement décrite par un mélange de musique du monde avec de la musique électronique. Tout juste avant Arsenal, c'était la formation Any Questions et la pièce This Universe que l'on retrouve sur l'album Death, version remasterisée, version 2004. Et pour débuter, I Want My Mommy nous interprétait I Like to Watch. C'est tiré de l'album qui porte le titre de Colic. C'est presque tout en ce qui a trait à l'émission Le Vestibule de ce soir. J'espère que vous avez su apprécier votre séjour. Je vais quand même vous présenter deux dernières pièces pour clore l'émission. Ce sera donc dans l'ordre New Jelly, ce duo qui nous interprétera la pièce Enzo Bella, tirée de leur album NC, qui occupe la 5e position au palmarès de musique électronique. Et ce qui terminera l'émission, ce sera DJ Harry et sa pièce Galactic, tirée de son album Collision, qui lui occupe la 2e position au palmarès de musique électronique. Donc ce sera New Jelly, suivi de DJ Harry. Alors, Jean-François Fecteau qui vous dit que si jamais vous désirez communiquer avec moi pour peu importe la raison, vous pouvez me joindre en tout temps en m'écrivant à l'adresse levestibule@commercialyahoo.com, levestibule@commercialyahoo.com. Alors sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, soit samedi soir prochain, à compter de 21h pour une autre intrusion à l'intérieur du vestibule. D'ici là, eh bien, portez-vous comme vous le pouvez et laissez-moi vous souhaiter, comme à l'habitude, peu importe. Sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera, sobera mwanu Nyo wabu kedere roba tolina bobo ya kangumire kundisi Ono mizanye jala tugende Anyo yobo tuza Muziki tuguta mancha kare vila la tuyie Ono mizanye jala tugende Muziki tuguta mancha kare vila la tuyie Nina Ben Pride, Chuse Navita, Anio Yoko Tuza, Chico Bebo Tuzine, Chuse Navita, Nina Ben Pride, Chico Bebo Tuzine, Nina Ben Pride, Chuse Navita, Anio Yoko Tuza, Chico Bebo Tuzine. Info, c'est un atelier de réparation à la fine pointe avec une équipe de techniciens performants qui sauront répondre à vos besoins. JC Info, c'est également des produits informatiques au meilleur prix dans la région. Visitez-nous au www.jcinfo.qc.ca. Le Hen, tu sais pas trop quoi faire de tes après-midi, tu te demandes, moi, tu allais pas faire dans le parc, laisse faire ça. Va-t'en sur le net, intéresse-toi, va sur cfoufm.com. Là-dessus, t'as de la documentation, t'as un palmarès, t'as des nouvelles, t'as un concours. Faites quoi de ta peau, va sur C'est Fou. C'est Fou en ligne, une collaboration d'Infotech Internet. Jeudi, 21h. Vous écoutez C'est Fou, 89.1 FM. We'll be right back. CFOU poursuit maintenant sa programmation régulière. Si vous désirez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires et suggestions, vous pouvez nous joindre en appelant au 376-5184, le 376-5184, ou en vous rendant sur le site Internet de la station au www.cfou.ca.